L'as était la plus petite monnaie romaine. Le sesterce valait 4 fois plus que l'as. Mais il est difficile de donner des équivalents actuels. Que de gens auxquels on peut appliquer ce que dit Marcus Varron dans la satire intitulée « Des festins ». Voici le passage. « Si tu avais donné à la philosophie la 12e partie des soins que tu as dépensés pour que ton boulanger te fît de bon pain, depuis longtemps, tu serais un homme de bien. Ceux qui connaissent ton boulanger en donneraient 100 000 sesterces. Qui te connaît ne donnerait pas 100 as de toi. »